Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble presque en direct pour une nouvelle émission enregistrée un peu plus tôt dans la semaine, qu'on vous diffuse là maintenant. On est toujours sur du contenu inédit, même si nous ne sommes pas présents dans les studios. Une émission avec quelques premiers petits renouvellements. Sachant que du coup on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle émission live où là devrait y avoir un gros brassage de nouveautés. Voilà, quelques petites nouveautés, trois précisément. Nous aurons Carcasse qui d'ailleurs ouvrira l'émission. Ensuite les Espagnols de Crisix et les Français de Tentation. Place à la musique immédiatement avec Carcasse pour ouvrir la première doublette d'aujourd'hui. La formation anglaise qui sort son 7e album studio, pile poil 8 ans après Surgical Steel qui était sorti en septembre 2013. Entre Surgical Steel et là, ce nouvel album studio, on a eu deux EP dont un paru l'année dernière. C'est du Carcasse qui continue de dérouler dans sa phase death metal sur fond de texte gore et engagé. Musicalement, ça reste assez classique, c'est pas incroyable non plus. Voilà, à voir cependant sur la durée et l'ensemble de l'album. Et en doublette avec Carcasse, toujours Wolves in the Throne Room, le groupe de Cascadian Black Metal venu des États-Unis. On va donc s'écouter immédiatement un nouveau titre pour Carcasse, le morceau Kelly Smith Imperium, extrait de leur nouvel effort studio Torn Arteries, dispo chez Nuclear Blast, et dans la foulée Wolves in the Throne Room, Spirit of Lightning, extrait de leur nouvel effort studio Primordial Arcana. C'est parti et bienvenue dans l'émission. We'll be right back. Doublette suivante avec une autre formation anglaise, Iron Maiden, qui sort son nouvel effort studio Senjutsu. On en a déjà parlé longuement ces dernières semaines. On est sur un album qui doit s'écouter comme un double album pour casser un peu le sentiment de longueur. Pour le coup, on va s'écouter le titre le plus court de l'album, Days of Future Past. Là, on est sur un morceau bien heavy de Iron Maiden, un des morceaux les plus coolos, les plus directs, avec un des refrains bien entraînants dont Maiden a le secret. Et dans la foulée, autre nouveauté, toujours dans un style heavy, avec le trash de Crazyx, un EP en attendant le prochain et cinquième album studio, une sortie chez Listenable Records, The Hippie Pizza. No Chip for the Kids, c'est le titre qu'on va s'écouter, et juste avant ça, Days of Future Past, signé Iron Maiden. We'll be right back. Retour à l'extrême avec la doublette suivante, Agrippnie tout d'abord, l'extraordinaire formation de Black venue d'Allemagne. Agrippnie, on en a largement présenté cette nouvelle sortie via un très bon focus, donc n'hésitez pas à vous réécouter l'émission d'il y a 2 semaines si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce nouvel effort studio intitulé Metamorphosis. Et dans la foulée, le Doom Death des Hollandais de How Did Menace, une très très bonne et très grosse sortie, The Tritonus Bell qui a vu le jour chez Season of Mist. Agrippnie, on va s'écouter le titre de l'album, Metamorphosis, donc How Did Menace, le titre Chimae Diabolicus. C'est parti! Yeah! Pour la suite du heavy façon extrême avec tout d'abord Portrait, la formation pareil qu'on vous diffuse depuis quelques semaines, cinquième album pour le groupe de Revival Heavy qui nous vient de Suède, très productif, très très efficace, leur heavy vraiment qui dégouline les années 80, mi-épique, mi-mélodique. Avec comme déjà dit comme influence principale King Diamond et ou Mercyful Fate, notamment au niveau des voix et des ambiances. Portrait qui sort son donc nouvel effort studio intitulé At One With None, et dans la foulée on aura les Anglais de Craven Idol, le très très bon groupe de Trash Black qui nous sort Forked Tongues, une sortie Dark Descent Records, Curtains le titre de Portrait, et juste après ça Craven Idol The Wrath of Typhon, c'est parti. Spells that drain Doublette du chaos pour la suite avec tout d'abord le Brutal Slam Death venu d'Espagne de Cerebral Effusion. Le groupe nous sort un très très très très bon nouvel album. Pareil, comme on en a longuement parlé lors du focus d'il y a 2 semaines, Cerebral Effusion, un retour en très grande forme, Ominous Flesh Discipline, une sortie New Standard Elite. Et dans la foulée, on s'écoutera un extrait du nouvel album de Wanderer. Premier véritable album en entre guillemets longue durée, c'est un point seulement 23 minutes pour groupe Rika, qui évolue dans un type black grind teinté de chaotique hardcore sludgeisant. Voilà, c'est grâce et violence, ça dégouline. Cerebral Effusion Descending into Psychodrome, Wanderer, le titre Born, extrait de l'album Liberation from a Brutalist Existence. C'est parti tout de suite. Le but. Et bien pour la suite, vous êtes toujours à l'écoute d'Elmanger. On est dans une nouvelle émission enregistrée en différé, avec cependant du contenu toujours 100% inédit. Et vous êtes donc bien sur les ondes du 93.6. Et on entre tout de suite dans l'aspect française avec tout d'abord Year of No Light avec un morceau légèrement raccourci. Year of No Light, la formation française donc, qui nous sort là son quatrième album. La formation bordelaise de post-rock, post-metal, doomisante, instrumentale. Sur 12 minutes que compte normalement le morceau qu'on va s'écouter aujourd'hui, on en diffuse entre 6 et 7 minutes. Voilà, sachant que chacun des morceaux fait de 7 à 13 minutes. C'est vrai que pour une diffusion format radio, c'est pas forcément évident. Mais sachez que chaque lundi soir, vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sous format podcast via tout simplement notre page Blogspot. Vous retrouverez notamment le lien sur Facebook à partir de demain soir. Et ben là, on met les morceaux en entier, parce que du coup, on n'a aucune contrainte de temps. Consolamentum, c'est le nom de ce nouvel effort studio des Bordelais de Year of No Light, et on s'écoutera le titre Rieglore. C'est parti.